c'est assez. Je t'aime un enfant. Nos disparus vivent encore, et dans nos cœurs et dans nos têtes. Ils ont disparu les corps, mais l'amour brûle encore. Sont si communs que souvent le premier amène bien plus tard au second, morbide et la passion amène bien plus tard au deuxième, funèbre tous nos je t'aime. Je t'aime, on ne dit jamais assez. Je t'aime aux gens quand on les aime. On ne dit jamais assez. Je t'aime un enfant. Nos disparus vivent encore, et dans nos cœurs et dans nos têtes. Ils ont disparu les corps, mais l'amour brûle encore. Je t'aime aux gens quand on les aime. On ne dit jamais assez. Je t'aime un enfant. Nos disparus vivent encore, et dans nos cœurs.